sale pi l'homme quand profiter de l'ennui ou serait en fait noir gali à poser en les nuages pour faire un bel voyage. Étoiles qui éclairent nous, les anges qui guident nous, dans le pays l'homme fou, la caille nous. En l'âge pour trouver tout ça nous qu'à rêver et nous espérer partager. Assis la voix la terre.